Questions existentielles. Dans la vente d'objets cadeaux, les saisons se suivent et se ressemblent. Noël, Pâques, fête des mères et saison d'été. Saint-Valentin n'a pas encore été inventé, pas plus que Halloween. Chaque année, maman crée une nouvelle collection à l'occasion de la fête des mères. Elle a cette chance extraordinaire de s'endormir avec le germe d'une idée dans sa machine à réfléchir et de se réveiller à 5 heures du matin avec sa concrétisation. À ce rythme, les choses avancent vite et les modèles s'accumulent. L'atelier tourne à fond, encore quelques mois avant de songer à trouver plus grand. Papa manque de place et ne sait plus où entreposer les vanneries. De plus, il a beaucoup de peine à suivre avec les teintures et les vernis. Fin juin, Faustine termine les cours de secourisme. Malheureusement, la séance de bouche à bouche, certes instructive, n'a pas été franchement passionnante, parce que, initiée sur un bête mannequin, au lieu et place de l'instructeur. Faustine, mi-déçue, mi-soulagée, s'en remettra. Son certificat en poche, elle quittera ses amis d'une saison sur des promesses de se revoir qui ne seront jamais tenues. Il y a beaucoup de travail au mois de juillet. Il s'agit de fournir tous les clients de la côte en articles cadeaux avant le gros boom de la saison touristique. Comme chaque année, on attend les Haussiens de pied ferme. Les corbeilles garnies ont un succès fou, elles se vendent comme des petits pains, mais ne s'utilisent pas pareil. Agnès et Dudu, les représentants, carburent un max du nord au sud de la France. Ils sont ravis de leur performance. Ça les change des sacs de lavande et des paquets d'herbes de Provence. Il est vrai que le rapport qualité-prix des vanneries décorées est imbattable, sans compter que c'est un cadeau à la fois joli et utile. Entre maman et Faustine, les séances de bavardage du mercredi se poursuivent ponctuellement. Les soirs où elle est disponible, maman partage volontiers avec sa fille les conclusions des réflexions assimilées et mûries au fil de son évolution. Elle approuve l'idée qu'une femme soit pour son mari à la fois sa maîtresse, son amie, sa sœur, sa mère, éventuellement son infirmière. Elle est indubitablement persuadée que cette pluralité fait la force des femmes et leur supériorité. Faustine, comme beaucoup d'adolescents, n'imagine pas que ses parents aient encore une vie sexuelle à leur âge. Pensez donc, maman a 22 ans de plus qu'elle. D'ailleurs, elle-même, à 30 ans, se promet bien de cesser toute activité de ce genre. Pas question d'offrir à son mari la vision de ses chers flasques. Maman évite de rire, comprend et respecte sa pudeur, tout en essayant de lui communiquer l'envie d'une certaine qualité de vie affective. Elle assure que l'amour dans un couple se construit en permanence. C'est un travail de longue haleine où rien n'est jamais acquis. Maintenir la confiance, l'amitié, cultiver l'entente, la passion, entretenir une joyeuse sensualité. Une belle complicité, garder le temps de l'humour, demande des efforts qui sont loin d'être faciles. Maman se flatte d'avoir épousé un homme instruit, de 13 ans son aîné, à qui elle peut poser n'importe quelle question. Il leur arrive encore aujourd'hui de discuter pendant la moitié de la nuit. Rends-toi compte. Un homme qui lui offre des fleurs et la comble de petites et grandes attentions, même après 17 ans de vie commune. Un homme qui n'hésite pas à l'embrasser au milieu d'une allée de supermarché si l'envie lui en prend. Un homme qui se fiche du qu'en dira-t-on comme de sa première barboteuse. Faustine a toujours vu papa traiter sa femme avec un immense respect, faisant son boulot d'homme, la complimentant, la soignant, la protégeant, légèrement paternaliste, sans plus. Sans doute aura-t-il lu Le Matrimoine de Bazin dans sa jeunesse. Maman prétend qu'il est misogyne avec toutes les femmes, sauf avec elle. Les constantes manifestations de tendresse de ses parents sont un exemple enviable pour une Faustine qui ne comprendra jamais pourquoi les féministes veulent tuer les gentlemen. Après tout, qu'y a-t-il de mal à ce qu'un homme vous ouvre la portière de la voiture, vous précède dans un restaurant, goûte le vin, paye l'addition et vous aide à enfiler votre manteau? Plus ça va, plus Faustine, dans sa petite logique toute personnelle, trouve qu'elle a énormément de chances d'être née femme. Porter en elle cette machine à transmettre la vie a quelque chose de magique. C'est un pouvoir tellement incroyable. Cela devrait être suffisant en soi pour que chaque femme se sente utile, voire indispensable. Pourquoi vouloir en plus et à tout prix parodier les hommes? N'est-elle pas un symbole de créativité? Franchement, elle ne les envie pas du tout de devoir se soumettre au service militaire, parfois même à la guerre, de travailler en usine ou dans un bureau, d'avoir sur les épaules la responsabilité morale et financière d'une famille, alors qu'avec un peu de chance, elle-même pourra rester au nid, dorloter son mari, élever ses enfants et passer le reste de son temps, s'il en reste, à s'instruire ou à se distraire. Elle trouve normal qu'une femme travaille et gagne sa vie jusqu'à son mariage. Il faut bien sortir pour trouver un compagnon. Mais ensuite, chacun son boulot, celui pour lequel il est venu sur terre en tant que femme ou homme. Et les vaches seront bien gardées. À cette époque de sa vie, Faustine ignore tout de certaines réalités injustes, des problèmes de contraception, de l'existence misérable de millions, de milliards de femmes qui n'ont pas eu le bonheur de naître comme elle dans un milieu de nantis. Il lui arrivera, beaucoup plus tard, de se demander si elle aurait eu les mêmes raisonnements en naissant noire au Ghana plutôt que blanche en Suisse. Pour l'instant, elle est intuitivement consciente de sa chance et se promet de soutenir solidairement ses consœurs chaque fois que ce sera possible. Par exemple, accorder sa confiance, de préférence à une gynécologue, une avocate, une notaire, une acupunctrice, une plombière, etc. Quant à l'égalité homme-femme, elle pense en son âme et conscience que c'est au conjoint uniquement de s'accorder dans l'intimité de leur couple. Elle-même ne laissera jamais à aucune loi, autorité prétendument compétente ou supérieure, aucun gouvernement, le droit d'intervenir au sein de son union. Mais avant de refaire le monde, si elle partait en vacances...